Ok. Yo. L'avenir est incertain, frangin. Si t'as du talent, certain. Mais on se laisse aller, et le destin est aléatoire. Et ça, c'est déconcertant. El Camille, la calamité. Composite peu gros, MEHDI, faiseur de son. L'Albi, Disba. Pendant le tchèque-tchèn, c'est pour mes gars de 7-7. Au fond de moi, y'a cette fadeur qui sans arrêt gagne des centimètres. Et dans mon crâne, y'a cette part de folie que j'ai jamais senti naître. Une part de gentillesse, même si ma plume est gravéneuse. Le majeur 3 véleux, la rage dans le sang comme par intraveineuse. Et j'entasse a priori sur la jambe féminine. Alors, j'ai mes aspects, faut bien moins fantasmer. Une seule valse avec le malin déclare un incendie. D'un incident, tu passes au point de non-retour. Pour lui, ça va sans dire. Sentir le souffre et mon cœur s'offre au désespoir. Serait-ce ma vue qui faiblit ou simplement le flou qu'on nous laisse voir. Avenir incertain, si t'as du talent certain, ça livre des rimes authentiques, pas comme toutes ces langues de serpent. Alors qu'on traîne jusqu'à ce que crève nos coussins d'air, on s'interdit si peu de vices, mais on espère en sortir tous indemnes. On se démolit de l'intérieur, et quand les regrets nous rattrapent, on a la nostalgie de l'antérieur. Frémir de lèvres et d'un custir, rien que pour un flirt avec la féerie. Recherche la frénésie, toujours un verre pour faire ce qu'la féerie. Les souvenirs vieillissent et les lys ne poussent vers l'avenir. Et les rumeurs circulent autant que les gondoles à Venise. L'hystérie guette ce qui faiblisse, la surmonter les crises. Qu'on veut d'une évasion digne des contes de Monte Cristo. Pour quitter ce triste paysage où des frères partent et puis ne reviennent guère. Rendant leur âme au fait d'un réverbère. On ne fait que geindre, mon a le rap comme violon dingue. Ou la volonté d'aboutir, car nos rues font que nous devenons dingues. Chaîne de vie, tu n'es qu'à long périple. Plein de périls où tu péris. Si t'as un comportement puéril, on te l'a déjà dit, demain sera fait. De destins qui diffèrent, de quatre saisons d'hiver, de divergences, de sauts de balivernes. De vertigineuses piles de rêves, de peu d'alternatives. Alors on rappe et on se demande comment faire taire ma team. Parce que demain c'est loin, on aime embrasser loin. Je n'aime serein, c'est l'œil sur leur serein pudente qui sont prudents, c'est que c'est leur poule. On veut se baigner dans l'or, raviver les temps morts et place des courtines. On se verrait bien toucher le cadre dans l'ordre. Pour mes skills ordinaires et ce mondinaire, tout pas mal de mecs puis que tu nais dans la neige. Ouais, mais c'est pas celle des sports d'hiver. Car sur ces rails, le système de freinage est défaillant. Client du détaillant, le toxico devient trop effrayant. T'imagines pas à quel point nos petits refraits parlent mal. Ça pisse encore au lit, mais ça emmerde l'école à Charlemagne. Les squats, la buissonnière, de grandes prairies à Chape, de Gambetta au temple et de la Noubrossard aux Cressonnières. Ça dégénère encore hier, un suicidaire s'est senti pousser des ailes. Et du 11ème à défier les airs. La vie est trop légère quand tu vois qu'il suffit d'un souffle pour redevenir poussière.